avancer sans jamais s'arrêter. C'est l'horloge sur la place qui te dit de rentrer. C'est la porte qui claque derrière toi, c'est le silence qui t'accueille, la même absence.